D'accord. On va laisser la parole à Suzy qui va nous parler donc de l'historique de lutte. Oui, bonjour. Alors, il est indiqué sur le papier que je suis à la commission féminisme. Je n'y suis pas. Je suis au collectif national pour les droits des femmes, qui est une structure féministe qui fédère depuis 1996 des associations féministes, des syndicats solidaires, la FSU et la CGT, et des partis politiques de gauche et d'extrême gauche autour des droits des femmes. Donc voilà. Alors en gros, ce dont je vais vous parler là tout de suite, c'est un peu donc des luttes qu'on a pu mener depuis les années 70. Puis voilà, bon, vous allez voir. Alors, d'abord, je crois qu'il faut un minimum définir les violences que subissent les femmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très violentes dans la société. Par exemple, la loi El Khomri est quelque chose d'extrêmement violent. Ceci dit, elle touche les gens du privé, mais aussi bien les hommes que les femmes, même s'il y a un traitement particulier réservé aux femmes. Les violences qui sont perpétrées à l'encontre des femmes sont des violences spécifiques qui sont perpétrées uniquement parce qu'elles sont des femmes. Alors, qui disent entre autres, des théories qui peuvent dire entre autres, que les femmes sont inférieures de façon naturelle, qu'elles sont là pour porter les enfants, certes, indéniablement, mais qu'elles sont là pour faire tout ce qui va avec, c'est-à-dire le travail d'éducation des enfants, le travail domestique, etc., etc., tout ce qui est très très peu valorisé socialement, alors que les hommes sont là pour aller travailler au dehors, etc., etc. Donc, une espèce de postulat d'une infériorité naturelle des femmes. Bien évidemment, les féministes se battent contre ce type de postulat. Alors, les violences faites aux femmes sont la plupart du temps, je voulais dire que il y a des hommes qui peuvent être touchés par des violences. Par exemple, il y a des hommes qui peuvent être violés, il y a des hommes qui peuvent être agressés sexuellement. Mais la grande majorité du temps, ce sont d'autres hommes qui exercent ce genre de violence. C'est important à savoir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les violences faites aux femmes sont la résultante de la situation d'inégalité, d'oppression, d'exploitation que vivent les femmes dans la société. Et ça, c'est cette situation d'oppression, d'exploitation et d'inégalité est tout à fait universelle. Et donc, elles exercent aussi, quand les femmes, par exemple, veulent se révolter, etc., etc., un contrôle social sur les femmes, ces violences. C'est quelque chose de très important à savoir. Alors, il faut peut-être un peu citer quelles sont ces violences, hein, qu'on s'entende bien. Parce que je parlais tout à l'heure de la violence de la loi El Khomri, ça c'est la violence du capitalisme, du libéralisme, etc. Et quand on entend quelqu'un qui dit « oui, mais tout est violent », en général, c'est pour nier les violences spécifiques que subissent les femmes. Et c'est bien pour ça qu'on insiste là-dessus. Alors, quelles sont ces violences? Le viol, évidemment. Les autres agressions sexuelles, parce que dans le code pénal, le est qualifié d'agression sexuelle. Et puis, il y a les autres agressions sexuelles. Les violences physiques et psychologiques, économiques au sein du couple, le harcèlement sexuel au travail, la lesbophobie, les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les crimes d'honneur, la prostitution, parce que nous définissons la prostitution comme une violence, le proxénétisme et la traite. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis le temps que nous luttons contre les violences que subissent les femmes, ce qu'on peut dire, c'est que la France a beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal, à reconnaître et à prendre en compte la domination masculine. Ça lui pose vraiment beaucoup de problèmes, y compris dans les textes, hein, parce qu'en général, c'est assez peu reconnu la domination masculine. Mais il y a certains organismes, tels que l'ONU, par exemple, hein, des structures internationales, qui reconnaissent sans problème dans leurs textes la domination masculine. Dans les faits, c'est autre chose. Mais, et la France, elle est encore en retrait par rapport à ça. Voilà. Bon. Pour dresser un peu le tableau, hein. Donc il y a des violences spécifiques qui sont exercées contre les femmes. Elles sont le fait de la domination masculine, des inégalités, de l'oppression, de l'exploitation que subissent les femmes, et elles sont universelles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en France, depuis les années 70, parce que c'est quelque chose qu'on entend relativement peu, un peu l'historique qu'on a mené contre les violences faites aux femmes, c'est quelque chose qu'on a... On n'a même pas pris le temps de l'écrire, parce que quand on milite beaucoup, on a du mal à se poser pour écrire, et c'est un vrai problème, ça, ceci dit, par rapport à la mémoire des luttes, et par rapport aussi au révisionnisme. Après, c'est facile, quand les choses n'ont pas été écrites, c'est facile d'inventer des choses, de raconter n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les luttes féministes, elles datent de très longtemps en France, et il y a eu des luttes féministes à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais qu'à aucun moment, dans ces luttes féministes qui se mobilisaient, entre autres pour le droit de vote, mais pour pas mal de choses, pour la libre disposition de son corps, etc., à aucun moment, le problème des violences n'a été abordé. Hein. J'ai cherché un peu, on trouve pas. Et il a fallu attendre, je dirais, la deuxième vague du féminisme contemporain, c'est-à-dire au début des années 1970, pour voir apparaître la thématique des violences faites aux femmes. Et le sujet, hein, on date, je ne sais pas si vous savez, on date la... fondation entre guillemets du MLF à la gerbe sous l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire il y a bien plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et donc des féministes ont été déposés une gerbe à l'Arc de Triomphe au mois d'août 70, et c'est, on considère que c'est l'acte fondateur, faut bien des récits, des mythes, on considère que c'est l'acte fondateur du mouvement de libération des femmes. Et donc c'est très très vu le sujet des violences, hein, dans ce mouvement qui a malheureusement pas existé en 68, mais dans ce mouvement qui a pris naissance au milieu de l'année 70, a été très vite mis sur le tapis. Alors, il y a eu un processus de dénonciation des violences, et c'est marrant parce que c'est des choses que on pourra s'interroger dans la discussion, c'est des choses qui reviennent un peu à l'heure actuelle. On est sans cesse obligé de dévoiler, entre guillemets, les violences, de les dénoncer, de montrer qu'elles existent. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin bon, on en reparlera, ne serait-ce qu'avec Baupin, par exemple. Bon, les choses progressent un peu, on en reparlera, mais on est sans cesse obligé, oui, de dire oui, ça existe, oui, les femmes ont du mal à parler, oui, les femmes se sentent culpabilisées et ont honte, elles prennent sur elles la culpabilisation et la honte que devraient avoir les agresseurs, etc., etc. C'est un phénomène qui revient de façon complètement récurrente. Donc il y a eu un premier, je dirais, phénomène de dénonciation des violences faites aux femmes dans les années 70. Alors par exemple, en 72, il y a eu une journée de dénonciation des crimes contre les femmes. En 1974, il y a eu une manif qui s'est appelée à Paris, qui s'est appelée « Prenons la nuit ». En 1976, il y a eu 10 heures contre le viol. Et en 1978, il y a eu le procès d'Aix-en-Provence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce procès d'Aix-en-Provence en 1978. C'est deux jeunes femmes qui ont été violées dans les Calanques. Et donc, l'Inde, et un procès a eu lieu aux assises. Gisèle Halimi, que vous connaissez peut-être, grande avocate féministe, a plaidé pour elle. Et le mouvement de libération des femmes s'est fortement mobilisé au moment du procès d'Aix. Voilà, pour... ben, ce que je disais, hein, dévoiler les violences, les dénoncer, montrer que ça existe, etc., etc., qui est quelque chose qu'on doit faire, donc je disais, très très régulièrement. Alors, dans les années 70, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu deux luttes un petit peu unificatrices pour les féministes dans les années 70. Il y a eu la première lutte qui a vraiment regroupé toutes les féministes, c'est la lutte sur l'avortement, qui a abouti en 1975... au vote de la loi. Alors nous, on ne dit pas Veil, parce qu'on considère que ce n'est pas Simone Veil qui l'a fait voter. S'il n'y avait pas tout le mouvement féministe, le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception, qui y compris faisait des avortements clandestins, sauvages, etc., défiaient complètement la loi. C'est vraiment le début de la désobéissance civile. Il n'y aurait jamais eu de loi. Alors on dit la loi sur l'avortement. Donc en 1975, on a réussi à obtenir la loi sur l'avortement. Ce qu'il faut savoir, c'est très intéressant, parce que je ne sais pas si vous connaissez le phénomène, la loi de 75 était à l'essai. Je crois qu'on n'a jamais vu de loi à l'essai. La loi 75 était à l'essai. Et il a fallu qu'on se mobilise de nouveau à l'essai pour 5 ans. Donc il a fallu qu'on se remobilise à nouveau en 1979 pour confirmer la loi. Donc une fois que la loi a été votée en 75, les 5 ans couraient, les féministes immédiatement se sont mises à se mobiliser. Donc je disais, je vous ai cité diverses initiatives, elles se sont focalisées plus particulièrement sur le viol, avec comme slogan un petit peu central, le viol est un crime. Alors vous savez ce que ça signifie quand on dit que quelque chose est un crime, c'est-à-dire que c'est l'infraction la plus grave qui existe et que c'est passible des assises. Alors que les délits, qui est une infraction de moindre gravité, mais peut-être que Lorraine qui est avocate reviendra là-dessus tout à l'heure, les délits donc sont passibles de la correctionnelle. Et donc le viol était effectivement un crime, était considéré dans le code pénal comme un crime, mais comme il n'avait pas de définition, et comme il n'y avait pas, avant de mobilisation féministe très très importante, avant la naissance de la deuxième vague, donc du féminisme contemporaine, eh bien, les femmes portaient très peu plaintes, environ 1500 plaintes par an, et en plus, les viols, au lieu d'être qualifiés de crimes, était déqualifié en ce qu'on appelait à l'époque attentat à la pudeur. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout un programme. Maintenant, le terme attentat à la pudeur a été viré, on parle d'agression sexuelle, c'est clair, mais attentat à la pudeur, c'est pas triste. Et donc, les viols étaient déqualifiés en attentat à la pudeur et passés en correctionnel. Alors déjà, le terme attentat à la pudeur, on pourrait disserter très longtemps dessus, mais en plus, le fait que ça passe en correctionnel, ça voulait dire que c'était pas si grave que ça. Et donc, les femmes portaient très très peu plainte. Alors, le mouvement des femmes s'est focalisé là-dessus, le viol est un crime. Donc, avec tout un tas d'initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je pense qu'il y a des choses intéressantes à savoir pour l'histoire. On sait très rapidement, parce que c'est des choses qui reviennent à l'heure actuelle, là aussi, on s'est très rapidement demandé comment lutter. Au début, on était un peu sur le mode riposte extrajudiciaire. On va aller au violeur, déjà il faut le connaître, bon. On va aller taguer chez lui ou sur les murs de son entreprise, etc., etc. Et c'est des choses qui ont été faites. Mais on a très vite vu que d'abord, même si on était nombreuses à l'époque, peut-être plus fortes que maintenant, on a très bien vu qu'on allait être quand même totalement dépassé. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les statistiques, il n'y a pas de raison que ça ait été mieux auparavant, estiment qu'il y a 80 000 viols environ par an en France. Je vois mal les féministes intervenir sur tous ces viols. Enfin, c'était matériellement et humainement complètement impossible. Et donc, on a vite vu les limites de ce qu'on appelait ces ripostes extrajudiciaires, même s'il y en a eu un certain nombre qui ont été faites. Et il faut faire appel à la justice. Bon, le problème, faire appel à la justice, il y a un pool d'avocates féministes qui s'est constitué. Le problème de faire appel à la justice, c'est que, et on rencontre encore le problème maintenant, c'est qu'elle est patriarcale, bourgeoise et raciste. Et donc, on est obligé de faire appel à une justice qu'en fait on condamne quelque part. Hein, on le voit tous les jours, le caractère patriarcal, raciste et de classe continue, enfin perdure à l'heure actuelle. Alors, et on a été d'autant plus traumatisés qu'en 1978, un Algérien qui s'appelle Lakhdar Seti a été condamné aux assises de l'Oise à 20 ans de prison, donc une peine très importante. Il était accusé de 3 viols, d'une tentative de viol, mais la tentative de viol vaut viol, et de vol. Et donc il a eu 20 ans de prison. Vous pensez bien que le fait qu'il soit immigré et de, je sais pas, je pense qu'il était ouvrier, fait que ça a quand même largement justifié les 20 ans qu'il a eu. Non pas que ce qu'il avait fait ne méritait pas éventuellement 20 ans de prison, mais le fait est que des bourgeois beaucoup plus insérés, enfin, ayant des professions beaucoup plus prestigieuses, prenaient beaucoup moins, ou ne prenaient rien du tout, c'était classé sans suite, ou non lieu, etc., etc. Et donc le mouvement féministe à ce moment-là, en 78, je regardais ça tout à l'heure, a été traumatisé par la peine qu'a pris, vous voyez un petit peu les contradictions, par la peine qu'a pris cet homme, qui avait fait des tas de trucs bien dégueulasses, hein, mais en plus il préméditait, enfin, en général les viols sont prémédités, mais il préméditait soigneusement ses coups, etc., etc. Et donc il y a des nouvelles, modalités qui ont été proposer du genre de la du sursis avec mise à l'épreuve, on demande des amendes, etc., etc. Le fait est que ces choses-là n'ont pas marché et qu'on en est resté à la justice. Bon, avec toutes les contradictions ça impose et qu'on retrouve encore vraiment très fortement à l'heure actuelle. En 1980, sur le viol, on a fini effectivement par obtenir une loi, par faire changer la loi. Ça n'a pas été évident, les débats parlementaires ont duré, on sait bien que ça dure longtemps, mais là ils ont duré 2-3 ans, je crois, donc c'était vraiment très très long. C'était une loi de compromis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a quand même remporté, après la victoire qu'on a remportée en 75 sur l'avortement, même si là aussi c'était un compromis, il ne faut pas oublier que l'avortement en 75 n'était pas remboursé par la Sécurité sociale, et qu'il a fallu se remobiliser en 82 pour le remboursement par la Sécurité sociale. La loi de 75 était clairement une loi de classe. Hein, les femmes qui pouvaient payer, c'était OK, les femmes qui ne pouvaient pas payer, voilà. Et donc la loi de 80, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de définition du viol, etc. C'est pas que ça m'amuse, mais quand on est en justice, les définitions ont une importance extrême, donc évidemment. Enfin, sachez quand même que le viol est défini par la pénétration, etc., etc. C'est important parce que il y a eu dans les tribunaux des débats à n'en plus finir sur une fellation qu'on t'impose est-elle un viol ou pas. Des choses comme ça. Est-ce que c'est une pénétration sexuelle, etc. Est-ce qu'une sodomie est une pénétration sexuelle ou pas? Donc vous voyez, les très important. Alors après, pour continuer sur les luttes, dans les années 80, comme on venait de gagner la loi, la mobilisation, je dirais, a pris d'autres formes. En plus, les années 80, c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir, Roudy qui est ministre des droits des femmes, et qui propose de l'argent à des associations, pas pour nous corrompre, hein, mais pour fonctionner évidemment, à des associations qui se mettent sur pied. Je sais que par exemple, moi je suis une des cofondatrices du collectif féministe contre le viol en 1985. Alors, à quelle occasion là la mobilisation a repris? À quelle occasion? Et le problème se pose toujours. À quelle occasion on a créé le collectif féministe contre le viol? Eh bien, il y a eu entre mai et septembre 85, 3 viols en public sans que personne ne réagisse. Il y en a eu un à midi dans le train Paris-Juvisy, un sur le quai RER à Châtelet à 6h du soir. Vous voyez le quai du RER à Châtelet à 6h du soir? Il y a un monde fou. Et un, pas loin d'ici, boulevard Magenta. Et c'est en septembre, ça, et en septembre, on a fait une manif devant le boulevard Magenta, où c'était dehors, à 9h du soir, mais dehors, donc il y a quand même des gens, en septembre, à 9h du soir, qui passent boulevard Magenta, donc personne n'a réagi, donc on a été complètement outrés, et on a fondé le collectif féministe contre le viol. Et au même moment, dans les années 80, se fondent différents maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, et se fonde une fédération qui va les relier, c'est la Fédération Nationale Solidarité Femmes, celle qui gère, peut-être que vous en avez entendu parler, le numéro 3919, Hein, on dit à chaque fois, si vous êtes victime de violence, appelez le 3919, etc. Donc c'est la Fédération nationale solidarité des femmes. Se fonde aussi l'association contre les violences faites aux femmes au travail, la VFT. Ça, c'est contre le, toutes les violences. Au début, ça a été le harcèlement sexuel au travail. En fait, c'est contre, contre toutes les violences faites aux femmes au travail, etc. etc. Alors, vous allez me dire, mais toutes ces associations sont très morcelées, avec chacune un bout de sujet. Je dirais oui, je pense qu'à l'époque, on a eu tort. On aurait dû faire une grande association et se mettre toutes ensemble, parce que là, il faut à chaque fois faire des trucs unitaires pour travailler ensemble, etc. Si on était toutes ensemble dans une grande association, ça serait plus simple de faire du travail, je dirais, unitaire, et puis qu'unifie tout le monde, quoi. Donc, voilà. Alors, donc, années 80, hein, travail un petit peu différent. Les associations de solidarité auprès des victimes se créent. Et avec Yvette Roudy, moi par exemple au collectif féministe contre le viol, on s'est créé comme je vous le disais en 85, et pour le 8 mars 86, Yvette Roudy nous a donné de l'argent, et on a créé une permanence téléphonique gratuite, qui est maintenant, enfin, un numéro vert, c'est le 0800 05 95 95, Si vous connaissez, moi j'y suis plus, moi, au collectif féministe contre le viol, mais si vous connaissez quelqu'un qui a été violé, il faut lui dire, si elle veut, de téléphoner au 0800 05 95 95. Là, elle recevra de l'aide sur tous les sujets, etc. etc. Donc voilà, alors, peut-être un peu pour terminer au niveau des lois, parce que je pense que Lorraine, elle va aller vite. Ce qu'il faut savoir, elle va en parler, ce qu'il faut savoir, c'est que il a fallu... Au niveau des lois qui ont été votées, il y avait des délits qui n'existaient même pas. Le harcèlement sexuel au travail, ça n'existait pas. Après la loi de 80 sur le viol. Les violences conjugales, ça n'existait pas. Les mariages forcés, ça n'existait pas. Etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'il a fallu, grâce aux luttes des féministes, créer tout un corpus législatif pour qu'on puisse effectivement porter plainte en justice. Alors, je ne vais pas parler pendant 5 heures maintenant où on en est par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, sans rentrer dans le détail parce que ça va devenir très très technique, c'est que il y a sans cesse des lois sur les violences qui sont votées. Pourquoi ? Parce que les féministes ont très très bien identifié depuis le temps qu'on travaille en solidarité avec les femmes victimes de violences, pensez bien qu'on a bien identifier les revendications et ce qu'il faudrait faire. Sauf qu'il n'y a pas de volonté politique de traduire dans la loi ce qu'il faudrait faire. Je vais vous donner un seul exemple pour que vous voyez un peu. On a réussi à faire voter une loi sur les violences le 9 juillet 2010. Et cette loi instaure ce qui existe dans des tas d'autres pays, hein, la France n'est pas spécialement en avance, ce qu'on appelle une ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences. Donc ordonnance de protection, ben, c'est-à-dire que le juge peut prendre certaines mesures, par exemple dans le cas des violences conjugales, hein, je vous donne des mesures possibles dans l'ordonnance de protection, demander au mari ou au conjoint, au concubin, frappeur de quitter les lieux du domicile. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est important. L'empêcher de s'approcher de la femme victime de violence, etc. C'est quand même des choses qui peuvent changer la vie. Eh bien, cette ordonnance de protection, les féministes voulaient que toutes les femmes victimes de telle ou telle, si j'ose m'exprimer ainsi, type, entre guillemets, de violence, puissent en bénéficier. Pourquoi une femme victime de viol pourrait pas bénéficier d'une ordonnance de protection? D'ailleurs, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps, deux jeunes filles, c'était à Fontenay-aux-Roses, elles avaient été violées pendant des années dans leur cité. Alors, elles avaient porté plainte, mais la procédure avait duré des années. Elles avaient été obligées de rester dans la cité parce que leurs parents n'avaient pas d'argent pour déménager. Eh bien, elles auraient eu des ordonnances de protection. C'est les mecs qui auraient été obligés de se barrer, pas elles. Vous voyez, donc, par exemple. Et donc, on essaye, par exemple, que cette ordonnance de protection s'adresse à tout type de violence. Eh bien, ils veulent pas. Ils veulent d'autant pas que c'était drôle parce qu'on a eu une autre loi qui porte aussi sur les violences en 2014. Et dans la première mouture de cette loi, il y avait l'ordonnance de protection pour viol. Et après, ça a disparu. Donc vous voyez, premier truc, je vais pas rentrer dans d'autres détails. Si, un truc très important qui est à mon avis très très éclairant. quand on lutte contre les violences, on se dit bah, peut-être une des premières choses, entre autres, ça serait de former tous les personnels sur les violences faites aux femmes. Hein. La justice, la police, la gendarmerie, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, les animateurs, etc., etc. Eh bien, la formation, les assistantes sociales et tout ça, la formation sur les violences faites aux femmes dans la loi n'est obligatoire que depuis le 4 août 2014. Et nous, on lutte depuis les années 70. Je ne sais pas que vous vous voyez. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de volonté de politique, il n'y a pas de volonté politique. Donc, ça, c'est au niveau des lois, si vous voulez. Maintenant, au niveau de l'application des lois, alors là, comme il n'y a pas de volonté politique, les magistrats, donc, quand ils étaient formés très très peu, etc., etc., ça ne suffisait pas pour qu'ils comprennent l'importance. Pour eux, c'est des délits mineurs, hein, les violences faites aux femmes, sauf que c'est énorme, quoi, comme contentieux au niveau de la justice. Et donc, les lois, vous savez très bien que les juges jugent en leur intime conviction, certes, mais quand on veut vraiment, on fait effectivement une politique de formation, on insiste au niveau de la politique pénale, etc. Alors, pour vous montrer un exemple, et après je m'arrête, nous, notre collectif, on s'était inspiré de ce qui a été voté en Espagne en 2004. C'est une loi intégrale contre la violence de genre. Alors, c'était le socialiste, par ailleurs très libéral, José Luis Zapatero, qui avait fait promulguer cette loi, et c'était très bien parce que elle s'adressait à tous les aspects par rapport aux violences. L'éducation nationale, la sensibilisation sur la publicité, dans la justice, au travail, les travailleurs sociaux, de la santé, etc. Tout un tas de trucs. C'est pour ça qu'elle s'appelait loi intégrale, loi intégrée, je dirais. Et donc, nous, on s'est dit, on va rédiger aussi. On a réellement rédigé une proposition de loi. On a amendé les codes, etc. Il y a 100 articles, etc. On a réussi à faire voter un truc, je vous en parlais tout à l'heure, la loi du 9 juillet 2010, mais complètement édulcorée par rapport à ce que nous on avait rédigé. Bon, tout ça pour vous dire que si les Espagnols l'ont fait, je vois pas pourquoi on peut pas le faire. Et donc, voilà, entre autres. Merci, alors on va passer aux questions, aux remarques, s'il y en a. Mais n'hésitez pas, hein, vous avez le droit de ne pas connaître les choses. Hein. J'avais juste une question. Est-ce que quand vous avez milité, manifesté tout au long des années 70, 80, même encore maintenant, est-ce qu'il y a des hommes dans votre collectif ou s'il n'y a que des femmes ? Alors, je ne vais pas revenir sur la non-mixité qui a pas mal défrayé ici. Moi, ça me pose aucun problème. Il y avait la non-mixité dans les années 70 parce qu'on en avait besoin. On avait créé ce qu'on appelait des groupes de conscience. C'est-à-dire qu'on avait besoin de se regrouper entre nous pour parler de nous. Mais ce qu'on a toujours dit, c'est que la non-mixité, c'est pas nous qui l'avons inventée. Hein. Dans les conseils d'administration des grandes entreprises, je vois là, par exemple, le gouvernement brésilien qui est celui qui a remplacé Dilma Rousseff est totalement non mixte homme, etc., etc. Voilà. Alors après, je passe les détails de l'histoire, mais on a créé notre collectif, donc comme je le disais tout à l'heure en 96, et comme il y a des partis politiques et des syndicats, bon, on aurait pu leur dire d'envoyer des femmes, mais il y avait à l'époque par rapport aux jeunes féministes une revendication de mixité. C'est vrai que ça voulait dire aussi que on avait un peu avancé dans notre combat que des hommes prenaient conscience. Donc on a dit on fait mixte. Voilà. Mais je sais bien que la revendication de non-mixité revient, mais ça dépend, faut respecter les demandes. Notre collectif est mixte, oui. De fait, il y a très très peu d'hommes. Mais voilà, par exemple, la loi cadre contre les violences qu'on avait rédigée là en 2007, dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait Mathieu, un homme qui a rédigé avec nous. D'autres questions ? Euh, Je voulais savoir, c'est quoi les principales luttes sur lesquelles vous êtes engagée en ce moment? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes très engagée pour défendre quelque chose? Voilà. Non, ce qu'on a fait, j'en ai un peu dans mon sac à l'heure actuelle, mais depuis il y a eu la loi El Khomri, etc., etc., etc. Il y a eu des tas de trucs, mais au début de l'année 2016, comme on trouvait que ça avance pas, quoi, au niveau des lois et compagnie, on s'est réunis 12 associations généralistes et d'autres plus spécifiques sur les violences pour mutualiser nos revendications. Et on a sorti une petite brochure. Donc voilà, et on a demandé un rendez-vous à Valls le 3 février 2016. On n'a toujours pas de réponse. Alors maintenant, ce qu'on essaye de faire de façon unitaire, par exemple, quand il y a eu l'affaire Baupin qui a été révélée, on a organisé un rassemblement devant l'Assemblée nationale, etc. quoi. Par exemple, hein, avec des revendications. Entre autres, comme revendication, l'inéligibilité des hommes politiques qui ont été condamnés pour faits de violence, le fait qu'il y ait dans les partis, par exemple, quand la justice est en cours, que le parti, parce que la justice peut pas intervenir là-dedans, hein, quand l'enquête se déroule, etc., ça met un certain temps, que les partis ne présentent pas. Au moins ne présente pas les hommes qui sont moteurs de violence. Par exemple, là, il faudrait que Baupin, il y a plus de groupe vert à l'Assemblée, mais que Baupin soit plus député, il est plus vice-président, soit plus député. On a toute une série. Le problème, c'est qu'on a encore toute une série de revendications. Et comme on les a mis toutes ensemble, voilà quoi. Mais c'est un peu compliqué. Mais si tu veux, 2 € la brochure. Oui, merci. J'aurais une question sur le... Si vous pouvez me dire 2 mots sur la sensibilisation scolaire. Parce que moi, en tout cas, quand j'étais à l'école, du primaire jusqu'au lycée, j'ai eu... Je crois, peut-être que j'ai oublié, mais je crois vraiment pas avoir eu grand chose, ni en termes d'atelier. Le peu que j'ai eu de sensibilisation, ça doit être encore d'histoire, peut-être d'éducation civique, mais c'était vraiment des cours ringards et personne n'y allait. Mais je pense que c'est à part l'histoire, mais sinon, et c'est vraiment très très restreint, on n'a pas eu, de gens comme vous, par exemple, qui viendraient de militants ou d'associatifs. Et c'est vraiment dommage, pas que d'ailleurs pour la question du féminisme, mais je pense que c'est crucial, vous le savez mieux que moi, mais que de sensibiliser dès cet âge-là, parce que c'est au collège, dans les cours de récré, tout ça, que se crée beaucoup de... d'habitude et de conditionnement, et donc bien sûr c'est pas une heure d'atelier qui va changer tout, mais ça peut lancer des débats, quoi. Alors en général, ce qu'on sait pas, parce que c'est pas du tout appliqué, alors que l'éducation nationale dit que si c'est appliqué, il y a eu une loi en 2001 sur l'avortement qui a amélioré la loi de 75. Et dans cette loi sur l'avortement sont prévues chaque année, pour chaque niveau, 3 heures d'éducation sexuelle dans les établissements. C'est jamais appliqué. Parce que ça pourrait passer par là. Bon. Alors, il y a eu des choses qui avaient été mises sur pied, dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelaient les ABCD de l'égalité, qui n'étaient pas obligatoires, mais qui commençait petit à petit, effectivement, à, je dirais, sensibiliser les élèves par rapport au respect, par rapport à l'égalité femmes-hommes, etc., etc., tout contre les violences faites aux femmes, toutes ces choses sur lesquelles on se bat. Et vous savez autant que moi qu'on a eu droit à la manif pour tous, aux journées de retrait de l'école, Farida Belghoul, etc., etc., et que tous les... réactionnaires et conservateurs ont fait pression, et que le gouvernement socialiste a lâché là-dessus, alors que c'était c'était un progrès timide et qu'il aurait fallu vraiment le développer. Alors, ce qui est quand même intéressant à savoir, et ça, il va falloir qu'on se bouge, nous, là-dessus, la France est signataire d'une convention qu'elle a ratifiée en 2014, une convention dite convention d'Istanbul, sur les violences faites aux femmes. Et dans la convention d'Istanbul, l'article 14, si je me rappelle bien, stipule que la sensibilisation, l'éducation à l'égalité femmes-hommes, au respect mutuel, à la lutte contre les violences, etc., doit être inscrite dans les programmes officiels de l'école. Dans les programmes officiels, comme à la limite, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, j'imagine que l'éducation nationale va l'interpréter différemment. Moi si j'ai 3 heures de maths par semaine, ben pourquoi pas avoir 1 heure de sensibilisation. C'est à l'emploi du temps. Et à notre avis, la France n'a pas du tout encore transposé, l'a pas appliqué, alors on peut dire faut laisser un peu de temps, etc., etc. Mais c'est sûr qu'il y a des mécanismes qui existent par rapport à cette convention d'Istanbul pour se plaindre de sa non-application, et je pense qu'on va les saisir. Sur d'autres questions aussi, hein, il y a des tas de choses. Moi, ça me semble complètement déterminant, cette éducation des jeunes. Mais complètement déterminant, et pareil, ils veulent pas le faire, et ils cèdent à n'importe qui, n'importe quoi, au lieu d'expliquer, de se défendre, de montrer comme c'est intéressant, et qu'au contraire, il faudrait le rendre obligatoire, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? C'est Benoît Hamon, à l'époque, qui était ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas resté longtemps, mais voilà. Ils disent, oui, mais on a fait un plan pour former les enseignants. Bon, alors, ils ont fait un plan pour former les enseignants. Très bien. D'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants, ça met beaucoup de temps. Je dis ça parce qu'on avait été reçus en délégation par les gens du cabinet de Benoît Hamon qui nous expliquaient qu'il y avait je ne sais combien de centaines de milliers d'enseignants. C'est vrai. Bon. Et que mettre sur pied la formation et tout. Mais on leur a fait remarquer que ce qui nous intéressait, nous, c'était certes la formation des enseignants. Évidemment, on va pas dire le contraire. Mais aussi que des choses se fassent devant les élèves. Parce que si les enseignants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est pas que je veuille contraindre les enseignants. Mais les enseignants, je travaille dans l'éducation nationale, je suis bien placé pour le savoir, ils sont complètement débordés, on leur donne tout un tâches prioritaires, etc., etc. Ils n'auront pas le temps de faire ça. Alors, on a le temps en classe de parler de la sécurité routière, hein, mais oui, après il faut même passer un petit examen, je crois, sur la sécurité routière. Ok, c'est important, je suis d'accord, mais des trucs aussi fondamentaux que l'égalité femmes-hommes, c'est pas obligatoire. C'est juste impossible. Mais ça, c'est toujours le manque de volonté politique. De toute façon, ce manque de volonté politique, on l'a vu 20 000 fois. Alors, peut-être que ça progresse un peu au niveau de la perception des gens. Vous avez bien vu, au moment de l'affaire Strauss-Kahn, les troussages de domestiques, il n'y a pas mort d'homme, etc., etc. On n'a quand même pas eu ça au moment de l'affaire Baupin. Voilà, mais on sait qu'on doit rester mobilisé constamment, quoi. Sinon, on régresse vite fait. Terrible. Premièrement, je vous remercie pour cette exposition qui était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Je suis brésilien. Vous avez parlé à propos du président Temer, le président en terrain. Il a choisi 7 ministres pour faire la composition principale du ministère. Ils sont tous inquiétés de corruption directe. Et enquêté aussi pour avoir violé une femme. Mais dans 3 semaines de gouvernement, 3 sont tombés déjà, sont dégagés du gouvernement, pas parce que les enquêtes l'ont fait ça. Mais la semaine dernière, par contre, il y a eu un cas au Brésil de viol d'une fille par 30 hommes. Dans une fête à la favela, cette fille, elle était après complètement perdue. Elle a été égarée pendant 2 jours. Je sais pas, elle a été trouvée dans une place complètement hors de soi. Et ils ont porté plainte à la, je sais pas comment dire, à la délégation de police. Ah oui, au commissariat. Et après, le commissaire de police a dit que c'était la faute de la fille, qu'elle a demandé ce viol incroyable. Et parce qu'il est commissaire, il est commissaire de police, il a des liaisons politiques aussi, c'est complètement bizarre. Il a eu une grosse pression populaire, notamment sur Facebook, parce que les Brésiliens s'articulent beaucoup sur Facebook, les réseaux sociaux, pour faire face à, les médias qui sont corrompus, tellement corrompus. Maintenant nous sommes en train de nous organiser pour faire dégager le président. Et faire dégager le président, ça signifie aussi faire dégager une classe politique qui est corrompue, qui est machiste et oligarchique, je ne sais pas s'il y a ces mots. Qui contrôle aussi, par exemple, les commissariats des policiers qui sont des postes indiqués. Et voilà. Donc, je vous prie de faire attention à donner l'appui, soutenir la situation du Brésil dans ces moments. Et nous faisons aussi un peu des manifestations à Paris. Et ça nous aide beaucoup là-bas à montrer ce type de situation, de faire un peu d'attention à ça. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on essaye dans le mouvement féministe d'être un peu solidaire. Alors, on était au courant, effectivement. Il y a eu aussi des viols en Inde. Il y a eu pas mal de choses. Effectivement, je trouve qu'au niveau international, la thématique, entre guillemets, des violences faites aux femmes ressurgit tout d'un coup, là. Mais le truc, c'est qu'on a chaque fois, j'arrête pas de le dire, mais on a chaque fois obligé de recommencer la même chose, quoi. Et c'est quand même terrible, quoi. Moi, les trucs, il y a eu des enquêtes faites par Muriel Salmona. Normalement, elle devrait venir aujourd'hui, je sais pas. Elle m'a dit qu'elle venait à 16h. Oui, elle devrait arriver, mais j'en sais rien. Bon. Par rapport à la situation de femmes qui avaient été violées dans l'enfance, comment elles avaient vécu tout ça, etc. Et les mots par rapport à la justice, la reconnaissance des violences qu'elles avaient subies par l'entourage, etc. Toutes ces choses-là, les mots que disent les femmes dans une enquête actuelle sont les mêmes que nous on rencontrait au début quand on a commencé le collectif féministe contre le viol en 85. C'est quand même un vrai problème, quoi. Quand même un vrai problème. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, si. Je respecte le mouvement que vous faites, mais j'ai une question à vous poser. C'est que je vois que vous parlez beaucoup des conséquences des choses, mais vous ne parlez pas beaucoup des fautifs. De qui sont vraiment ceux qui foutent la merde et pourquoi. Donc voilà, j'aimerais bien savoir quelle est votre position sur vous par rapport à votre mouvement, sur qui sont vraiment eux. Et pour comment vous voulez changer les choses? Parce que c'est bien de faire des mouvements, de faire comprendre des moules, enfin de faire. Ouf, pardon. De faire comprendre des choses à des gens, mais c'est aussi raconter pas mal de choses qui pourraient manipuler et servir à d'autres personnes. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu qui sont pour vous et qui sont les fautifs et comment vous allez faire pour changer ça. Bah, les fautifs, déjà de façon non incarnée matériellement, c'est le patriarcat, hein, c'est ce que je disais, hein, les inégalités, l'oppression, l'exploitation, etc., dont souffrent les femmes de façon universelle. Maintenant, ça s'incarne à partir d'individus tout à fait en chair et en os. Hein, et que moi, je crois que ce que je vous ai raconté un peu, qu'on hésitait sur la répression dans les années 70, eh ben, je suis bien contente. Maintenant, il y a au moins là-dessus, au niveau des féministes, je trouve qu'on a avancé. On n'a plus aucune hésitation. Les violences faites aux femmes doivent être réprimées. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des thérapies. Je ne crois pas beaucoup. Il faut faire des... Je pense que globalement, parallèlement à notre lutte contre les violences faites aux femmes, il faut lutter tous les jours pour l'égalité. Alors, c'est des généralités que je vous dis, j'en ai bien conscience, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors après, est-ce qu'il faut prendre individu par individu, faire des groupes de parole d'hommes? J'en sais rien. J'ai peur que des groupes de parole d'agresseurs, hein, pas d'hommes en général, mais d'agresseurs, ils finissent par se coaliser entre eux pour trouver des raisons... forcément mauvaise, effectivement, mais pour eux, voilà, des raisons justificatives pour ce qu'ils ont fait, quoi. Mais il faut lutter pour une société d'égalité, à mon avis. Et, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, la sensibilisation depuis le plus jeune âge, que ça rentre depuis la maternelle. Et même, il y a à Saint-Ouen, je crois, une crèche non sexiste. Il y a une possibilité de vraiment la sensibilité, la sensibilisation dans l'éducation nationale. Effectivement, tout le monde y passe, donc c'est le lieu rêvé. Dès le plus jeune âge et durant toute la scolarité, et même après des plans de sensibilisation grand public par tous les médias, les réseaux sociaux, etc., faites par le gouvernement. Parce que c'est un problème totalement public, les violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, on s'était posé on se le pose toujours dans les associations. Ce sont les associations qui s'occupent des violences faites aux femmes et qui reçoivent de l'argent de la part du gouvernement pour ça, ce qui me semble être totalement normal. Mais les associations, si un jour elles sont pas assez gentilles, on peut les menacer de leur couper les vivres. Nous, on pense que c'est un service public qui devrait s'occuper des violences faites aux femmes. Avec des fonctionnaires, etc. On pourrait embaucher les personnes des associations en tant que fonctionnaires et qu'il y ait un truc qui soit complètement pérennisé. Que vraiment, les gouvernements successifs, l'État, prennent ses responsabilités là-dessus. Bonjour, je rebondis justement, comme vous parliez d'État. Moi, je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous avez des actions de prévention vis-à-vis du corps militaire français, entre autres, qui encadre justement sous le drapeau de l'ONU et qui font les conneries finalement en Afrique, c'est-à-dire qui violent les enfants, qui violent les femmes en Afrique, parce que ça, c'est un gros problème. Je vais vous répondre tout de suite sur l'armée. J'en sais rien. Mais je sais que depuis très longtemps, par exemple au collectif féministe contre le viol dès les années 80, moi j'avais pas envie, j'y allais pas, mais il y avait des copines qui allaient sensibiliser la police, par exemple. Et la gendarmerie aussi, vous allez me dire la gendarmerie c'est l'armée. Mais je sais pas si c'est eux qui partent en Afrique et tout ça aussi. Donc voilà, s'il y a des actions de sensibilisation auprès des personnels. Hein, Pardon ? Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et puis effectivement, ils sont pas punis, hein. La grande muette, etc., y compris le harcèlement au sein de l'armée, mais ça a été dénoncé. Non, mais je suis complètement d'accord, hein. Le problème, c'est que on n'a pas forcément toujours un bon rapport de force. On sait très bien ici que les choses avancent, qu'on a un rapport de force suffisant, mais on n'a pas forcément toujours le rapport de force, hein. Aussi, concernant aussi l'immigration, c'est vrai que il y a un souci. C'est vrai que quand on fait des guerres finalement dans les pays étrangers, qu'on ne s'étonne pas ensuite que finalement il y ait des traumatismes qui sont vraiment structurels et que ces personnes qui finalement essaient de fuir ces guerres, ces pays, et en majorité des hommes, arrivent dans les pays en Europe entre autres, hein, parce qu'on est en Europe, et amènent avec eux toute cette tare et toute cette violence finalement qu'ils ont. On a eu le cas par exemple à Francfort en Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. Où il y a eu des viols, etc. Quelle action pensez-vous faire? Parce que ça risque de poser un problème ici vis-à-vis de, vous comprenez, de l'ensemble finalement de nous immigrés. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de réfugiés en France, parce que il me semble pas qu'on est à la mesure de l'Allemagne. Donc voilà. Deuxièmement, les féministes, quand il y a eu Cologne, pour être clair, puisqu'on parle de Cologne, on a eu une petite période de flottement, on le reconnaît, hein, on soutient le fait que les réfugiés viennent en Europe, on leur dit bienvenue, etc. On a eu une petite période de flottement. Après, on a dit, alors on a eu un discours, on a fait un petit rassemblement unitaire, où est-ce que c'était, du côté des Halles, à la Fontaine des Innocents. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, premièrement, les auteurs de violences, s'ils les retrouvent, hein, parce que les Allemands, sur les violences, pas terrible, hein, que les auteurs des violences, s'ils les retrouvent, soient dûment punis. Mais deuxièmement, moi j'attends les résultats de l'enquête, et que troisièmement, on n'allait quand même pas stigmatiser tous les réfugiés, parce qu'on sait très bien, par exemple, les féministes allemandes ont été les premières à le dire, à la fête de la bière, les bons Allemands, etc., ça y va, les viols aussi. Hein. Donc voilà, alors, écoutez, moi je vais vous dire, hein, par rapport aux viols, hein, on sait, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Donc, non, mais bon. Mais disons que globalement, il y a beaucoup quand même de mais si on prend les couches populaires, par exemple, il y aurait éventuellement, je marche sur des œufs, plus de travailleurs immigrés. Hein, ils sont relégués, etc., discriminés, etc., etc. Eh bien, grosso modo, les violences faites aux femmes, c'est des enquêtes scientifiques, notamment l'ENVEF, je ne sais pas si vous connaissez, Enquête nationale contre les violences faites aux femmes en France, nous montre que les violences contre les femmes sont perpétrées quasiment à égalité dans toutes les couches sociales. Sauf que, donc, soyons clairs là-dessus, hein, sauf que dans les couches supérieures, on lave plus son linge sale en famille, puis la justice étant une justice de classe, on aura tendance à moins condamner, etc., etc. Donc, je ne sais pas s'il y a un vrai problème d'immigration par rapport aux violences. Hein. C'est... Oui, mais je ne sais pas si un traumatisme qu'on a subi de guerre fait qu'on va se retourner contre une femme pour l'agresser sexuellement ou la violer. Ça me semble pas du tout automatique. Hein. Mais d'ailleurs, moi, je me suis toujours élevée contre ceux qui disent quand on a subi des violences, on va aussi être auteur de violences, comme si c'était complètement transgénérationnel, etc. et tout. C'est sûr que si on a pu faire quelque chose avec ces violences, si on a rencontré une assos ou un psy bien, parce que les psys c'est aussi problématique vis-à-vis des violences, et sacrément, on a aussi pas mal travaillé là-dessus dans les années 80, à mon avis, non, on ne deviendra pas auteur de violences. Il faut se méfier des trucs systématisés et tout, parce que bah, si Muriel Salmona vient, bah, elle n'a pas l'air d'être là, elle pourra vous en parler plus que moi. Merci.